partir quand on est bien, prendre mille et un chemins, perdre ce qu'on a déjà. Est-ce mieux ailleurs? Je ne crois pas. Ici la vie est bien tranquille, loin de la foule des grandes villes. Nos maisons sont des arcs-en-ciel, l'air que l'on respire goûte le sel. Les étoiles, les goélands, l'océan, un trésor pour tous les enfants. Pourquoi partir quand on est bien? Faire sa valise un beau matin,